Monsieur Thiers y est venu en pantalon. Vous connaissez son mot? Oui, charmant. Mais il tourne démagogue. Et son discours, dans la question des incompatibilités, n'a pas été sans influence sur l'attentat du 12 mai. Ah, bah. Hé hé! Le cercle fut contraint de s'entrouvrir pour livrer passage à un domestique portant un plateau et qui tâchait d'entrer dans le salon des joueurs. Sous l'abat-jour vert des bougies, des rangées de cartes et des pièces d'or couvraient la table. Frédéric s'arrêta devant une d'elles, perdit les 15 napoléons qu'il avait dans sa poche, fit une pirouette et se trouva au seuil du boudoir où était alors Madame d'Ambreuse. Des femmes le remplissaient, les unes près des autres, sur des sièges sans dossier. Leurs longues jupes, bouffantes autour d'elles, semblaient des flots d'où leur taille émergeait, et les seins s'offraient aux regards dans l'échancrure des corsages. Presque toutes portaient un bouquet de violettes à la main. Le ton mat de leurs gants faisait ressortir la blancheur humaine de leurs bras. Des effilés, des herbes leur pendaient sur les épaules, et on croyait quelquefois, à certains frissonnements, que la robe allait tomber. Mais la descente des figures tempérait les provocations du costume. Plusieurs même avaient une placidité presque bestiale, et ce rassemblement de femmes demi-nues faisait songer à un intérieur de harem. Il vint à l'esprit du jeune homme une comparaison plus grossière. En effet, toutes sortes de beautés se trouvaient là. Des Anglaises, à profil de Kipshake, une Italienne, dont les yeux noirs fulguraient comme un Vésuve, trois sœurs, habillées de bleu, trois Normandes, fraîches comme des pommiers d'avril, une grande rousse, avec une parure d'améthyste. Et les blanches scintillations des diamants qui tremblaient en aigrette dans les chevelures, les taches lumineuses des pierreries étalées sur les poitrines, et l'éclat doux des perles accompagnant les visages, se mêlaient au miroitement des anneaux d'or, aux dentelles, à la poudre, aux plumes, au vermillon des petites bouches, à la nacre des dents. Le plafond, arrondi en coupole, donnait au boudoir la forme d'une corbeille, et un courant d'air parfumé circulait sous le battement des éventails.